le jeu de cartes comprend quatre rois, quatre dames et quatre valets. Sans compter les chiffres qui sont seuls. Le résultat de la partie est que les rois changent de place. Ce qui était au minimum, ce qui était tolérant, va au couchant, ça tourne. Quant aux reines, elles ne changent pas de place, elles sont toujours là. Faites entrer la majesté, le roi de France. Sa majesté la bêtise. Le roi d'Angleterre. Sa majesté l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté l'avarice. Et quel est le quatrième roi? Dans toutes les parties de cartes, il y a un mort. La mort! Et voici maintenant sa compagne et très fidèle épouse, celle qui partage son lit. Sa majesté la luxure! De place, mais les reines. Sa majesté, l'orgueil. Sa majesté, la bêtise. Sa majesté, l'avarice. Sa majesté, la luxure. Sa majesté ne change pas de place. Elle reste toujours avec mais nous. Mais ceux qui jouent réellement la partie, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les valets. Faites entrer les valets. Sa grâce, le duc de Bedford. Jean de Luxembourg, sa grandeur, Regnault de Chartres, Guillaume de Flavie. C'est lui qui a baissé la herse derrière moi, à Compiègne. Le jeu commence, il comprend trois parties. J'ai gagné. Je veux dire que j'ai perdu. Deuxième partie. Troisième partie. Thank you.